boy. La petini go, c'est cool son petini boy. Petini go, petini boy. La petini go, c'est cool son petini boy. Je suis fou de la petini go gaou. Je suis fou de la go gaou. Oui, je suis fou de la petini go gaou. Je suis fou de la gogaou. Petini go, petini boy. La petini go, c'est cool son petini boy. Petini go, petini boy. La petini go, c'est cool son petini boy. Je suis fou de la petini gogaou. Je suis fou de la gogaou. Je suis fou de la petini gogaou. Je suis fou de la gogaou. Nika biberon diamant, abiba en peu, abiba en poro. Ape fengele mimi, abam sosi, abam sosi. Abam sosi, abam sosi, abe olelebi. Elle fait danser mon cœur. Quand elle danse, elle fait mon bonheur. Quand elle danse, elle fait danser mon cœur. Elle danse, elle fait mon bonheur. Danse, danse, Mimi danse. Danse, danse, Mimi danse. Danse, Mimi danse. Quand elle danse. Son petini boy, petini go, petini boy. La petini go, c'est cool son petini boy. Je suis fou de la petini go gaou. Je suis fou de la go gaou. Oui, je suis fou de la petini go gaou. Je suis fou de la gogaou. Petini go, petini boy. La petini go, c'est cool son petini boy. Petini go, petini boy. La petini go, c'est cool son petini boy. Je t'aime, papa.